Toi tu écoutes du rock américain. Toi tu écoutes du rock américain. Moi je n'ai jamais supporté ça, mais puisque tu es jolie, et moi j'écoute du rock américain. Toi tu regardes les films anglais en VO. Toi tu regardes les films anglais en VO. Moi je n'ai jamais supporté ça, mais tu as bouleversé ma vie, et maintenant je regarde les films en VO. Maintenant je regarde les films en VO. British à tomber. Toi tu as un accent British à tomber. Moi j'ai toujours attendu ça, et puisque tu ne demandes que ça, sois dans une heure chez moi et on verra. En arrivant ne dis rien, déshabille-toi. On écoutera du rock américain.